Ouais. Tout le monde, lève les mains en l'air. Montez plus que le maximum, tout le monde, c'est plus que le plus de l'homme. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges ton dard. Si ta gorge est trop sèche, faut que tu ailles au bar, man. Bouge-toi, crache les tâches qui t'arrachent. Et bâche les fâches, les clashes et mâche la page qui nique et t'arrache. Faut que tu bouges, man. Like an undetermined, si tu love fils de pute, motherfucker I know. Sur des floor comme une shit, il faut que tu bouges le putain de beat. Y'a plus que fit suive, y'a plus de hey, oh, oh, oh. Faut que tu bouges, man, il faut que tu bouges gros. Yo. Il faut que ça pousse, gars, yo. Il faut que ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man, il faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars, il faut que ça pousse au cul. Ne crois pas au désespoir de la rue. Va chier debout, c'est que parfois y'en a plus de rue. Quoi toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon teint basané qui t'empêche de parler, facho. Ouais, ça mange. J'suis pas là pour faire la guerre, j'suis pas là pour critiquer. C'est ma brosse qui te fait chier, mais c'est ma musique qui t'éclaire. J'aime pas faire tout petit âge et j'aime pas travailler. Cri-cri m'a filé l'air presse, c'est dit faut qu'il me lave. Il faut que tu bouges, man, il faut que tu bouges, gros. Il faut que ça pousse, gars, il faut que ça pousse au cul. Il faut que tu bouges, man, il faut que tu bouges, gros. Il faut que ça pousse, gars, il faut que ça pousse au cul. Il faut que tu bouges, man, il faut que tu bouges, gros. Il faut que ça pousse, gars, il faut que ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man, faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars, il faut que ça pousse au cul. Bouge, man. Bouge. Bouge, man. Bouge, man. Bouge. Bouge, man. Bouge, man, il faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars. Il faut que ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars. Il faut que ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars. Il faut que ça pousse au cul. Tout le monde, lève les mains en l'air. Tout le monde fait plus que le maximum, tout le monde fait plus que le plus de l'homme. Tout le monde fait plus que le maximum, tout le monde fait plus que le plus de l'homme. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges gros. Il faut que ça pousse, gars. Il faut que ça pousse au cul. Tout le monde fait plus que le maximum. Faut que tu bouges gros. De l'or, ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges gros. Faut que ça pousse, gars. Faut que ça pousse au cul. Faut que tu bouges, man. Faut que tu bouges gros. Faut que ça pousse, gars. De l'or, ça pousse au cul.